Connaissez le Red Champagne? C'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. Dernière chronique de l'année avec notre ami Phil Desgagnés. La saison de golf s'en vient à grands pas et le club de golf de Saint-Prime vous offre des tarifs imbattables pour la nouvelle année, que ce soit pour un forfait VIP ou un forfait à 10 parties. Le club de golf de Saint-Prime a une grille d'abonnement qui plaira à tous les types de golfeurs. Pour en connaître davantage, nous vous invitons à visiter notre site internet golfsaintprime.qc.ca, notre page Facebook ou encore en appelant au 418-251-2831, poste 27. On va parler de deck hockey, c'est la folie furieuse à Saint-Prime. On parle avec celui à tous les jeudis, on va y parler de celui qui est pas mal en charge de la Ligue, Dominique Golbout. Salut Dominique. Oui, ça va bien Dominique. Il me reste des questions que je n'avais pas parlé. Après ça, on va commencer à faire les bilans de ce qui se passe dans les ligues. 400 joueurs jusqu'à maintenant. Mais je regarde, ça joue pas mal sur 4 soirs. C'est vrai que pour 400 joueurs, c'est beaucoup pour 4 soirs. Il y a, à moins qu'il y ait des matchs qui ne sont pas affichés sur les sites. Non, en fait, 400 joueurs, environ, c'est les équipes. En moyenne, c'est 7 soirs, par équipe, c'est environ 8 soirs. Nous, on a 37 équipes d'adultes. Okay. Sur 37 équipes d'adultes, seulement 2 qui ont été formées à aider. Le reste, c'est toutes des équipes soit déjà existantes ou des équipes qui commencent. Mais on voit l'engouement quand même parce qu'on a beaucoup de jeunes des équipes de hockey sur glace pratiquement ensemble. Il y a des équipes, ça fait un petit bout aussi qui jouent, comme on a les Beavers de Robertval. Ça fait quand même un bon bout qui jouent ensemble. Ça paraît, ça surpasse tout de suite. Là. Mais non, pour une première saison, c'est sûr qu'on est content parce que c'est ben pas... Oui. Les nouvelles équipes, en majorité, c'est des jeunes qui vont pouvoir grandir puis continuer à jouer dans notre ligue. C'est pour ça. Mm-hmm. Mais les parties, dans le fond, nous, mardi, mercredi, jeudi, horaire typique, une partie par heure, 18, 19, 20, 21h, 22h. Donc, Dominique, je sais que je t'appelle sur ton cellulaire. Tu veux-tu tasser un petit peu parce qu'on a de la misère, on en perd des bouts, là. Fait que ouais, peut-être te tasser un petit peu. Dis-moi, donc, quand il pleut, il se passe quoi? Quand il pleut, nous, il va vraiment selon... La pluie, c'est pas considéré comme quelque chose qui va faire annuler des parties nécessairement, là, dans le fond. Nous, on va annuler vraiment en cas de force majeure, exemple orage, ça c'est sûr et certain, parce qu'avec le tonnerre, les éclairs, avec les buts, la présence du métal, sa surface, c'est sûr que c'est pas sécuritaire pour les joueurs. Mais on essaye de pas annuler pour rien aussi, puis on y va selon la température sur place. Comme des fois, on a des messages l'après-midi qui nous demandent est-ce que ça va jouer ce soir. Ben, c'est dur de donner une réponse précise à ça dès le début. C'est vraiment, faut voir sur place. Là, c'est avec l'expérience aussi qu'on est capable de juger. Là. OK. Comment que ça se passe aussi? La moyenne d'âge est de comment? C'est sûr que tu viens juste d'arriver, là. T'as des ligues d'adultes. Ben, mais la moyenne d'âge, est-ce que je vois ici, ça semble être plus jeune qu'à Québec, comme je te dis, parce que la majorité des équipes, c'est des jeunes, pas mal. Ouais. Considérant que les jeunes qui sont mineurs sont obligés d'avoir la grille complète, ben, j'ai beaucoup de grilles complètes. Mais ça, de toute façon, s'ils sont pas mineurs, c'est juste un bon signe pour la suite. Que les joueurs commencent à jouer avec des grilles complètes, parce que même à Québec, on voit le phénomène que des monde qui jouaient pas d'hier, il n'y a pas long, ils commencent tout à en mettre parce que tu n'as pas vraiment le choix. OK. Qu'est-ce qui se passe, là? Je vois les ligues, je les donne les résultats tous les jours, je les vois, là, les résultats. Oui, exact. Okay. Qu'est-ce qui se passe la fin de semaine? Qu'est-ce qui se passe la fin de semaine? Samedi matin, on a la Ligue junior. OK. On a trois. Présentement, on a 3 équipes bantam, 4 d'âge atome. OK. Dont une qui a été formée avec des inscriptions individuelles. Ça, c'est sûr qu'au niveau des jeunes avec les avec le bassin, c'est la première année, c'est sûr que c'est vraiment c'est plus dur un peu d'avoir des équipes complètes parce qu'on n'a pas nécessairement le bassin de Québec où on peut se permettre d'amener tous les jeunes, faire des camps de sélection, après ça, les redistribuer dans les équipes. Là, nous, c'est pas mal des équipes de jeunes qui se connaissent et okay. qui ont décidé de s'inscrire ensemble. OK, OK. Donc... Mais c'est pour ça, tu sais, pour, ouais. pour faire la promotion un peu, là, on voit qu'il y a un peu plus de monde qui viennent les soirs de semaine voir un peu à quoi ça ressemble. Le samedi matin, de 8h30 à 10h30, nous, on a une plage horaire qui est réservée pour les jeunes. Ils peuvent venir pratiquer. Ça coûte 5$, puis ils peuvent venir pratiquer. Ça donner un peu au sport, regarder un peu à quoi ça sert. Ça, c'est dans le but un peu, justement, de mousser l'intérêt des jeunes pour grandir un peu la ligue. Mm-hmm. Comme là, à soir, c'est 4 joueurs. Les ligues, c'est lundi, mardi, mercredi et dimanche, je pense, c'est ça? Comme là? Non, les ligues, mardi, mercredi et jeudi soir. OK. Le lundi soir, il se passe quoi? Lundi soir, normalement, c'est réservé. S'il y a des reprises de parties, on va les utiliser ces soirs-là. Mais c'est pas des soirs qui sont dans l'horaire. Okay. Mais la surface, y a-tu de l'action pareil à Saint-Prime? C'est sûr que c'est pas organisé, mais j'imagine. Ouais, dans le fond, nous, on a 2 surfaces, mais en tout temps, on offre des locations. On a 2-3 groupes qui ont loué à long terme, qui ont cédulé des locations à l'avance. Comme le jeudi soir, on a une à 7h30, une à 8h30. Puis nous aussi, ce qu'on offre aussi, ça peut être des compagnies qui veulent juste jouer de toute heure du jour, tout ça. Moi, je peux me rendre disponible aussi. Puis qu'est-ce qui est fun avec le site Internet, c'est que on peut leur donner une expérience un peu comme la Ligue des adultes, mettre les statistiques, les résultats directs. Si c'est quelque chose qu'eux désirent, qu'ils veulent jouer pour le fun, mais avoir un petit côté compétitif, ben nous, on peut fournir un arbitre, un marqueur qui va faire tout ce job-là. Le même job que les joueurs ont au niveau du site Internet pour les statistiques. En tout cas, c'est... Ça peut être intéressant pour eux. C'est impressionnant. J'y vais tous les matins, comme je te dis. J'annonce tous les résultats. C'est sûr que là, dans les chroniques, on n'annoncera pas tous les résultats, mais tu veux nous faire un survol? Là, au moins, depuis cette semaine, on a installé le Wi-Fi sur la surface. Donc, lui, le marqueur avec sa tablette peut, à mesure, mettre le score. Donc, ça donne vraiment plus un aspect en direct que la première semaine, que les parties, en fait, ont été rentrées à la main quelques jours après parce qu'on n'avait pas le Wi-Fi. Donc, au moins, que sur le site Internet, on peut voir la dernière action qui a été posée. Ça remonte à quand? Donc, on a une meilleure idée de la partie est rendue où, là. Bravo, en tout cas. Il y en a une hier, je ne me rappelle plus du nom, mais qui t'a marré une CHIRST de volée. Ouais, ben ça, comme je te disais, c'est une équipe. Ça se trouve à une de mes équipes d'agents libres. Des joueurs qui se sont inscrits seuls. Probablement comme au moment de l'inscription, peut-être qu'il y avait juste 2 classes, puis avec l'intérêt, on avait rajouté une 3e. Là, le problème, c'est que les gars se retrouvent dans la classe du milieu, qui est quand même des équipes qui ont toutes déjà joué un peu. Puis 2 affaires, ben les gars ont jamais joué au deck comme tel, puis ils se connaissent pas nécessairement. Fait que c'est sûr que c'est 2 prises contre eux. Dans un niveau que la majorité des équipes sont moindrement habituées à jouer, ben c'est sûr que ça ne pardonne pas. Puis en plus, hier, ils ont joué contre une équipe quand même qui est pas si pire. Mais ça, c'est ça. Nous, là, c'est la 3e semaine. On a 12 semaines d'activité régulière. Après ça, c'est série. Ce qu'on va faire, c'est que après les parties de soir, on regarde un peu l'allure des forces. On regarde s'il y a des changements à faire au niveau des catégories, comme descendre une équipe, monter une équipe. Puis après ça, on ajuste pour le calendrier pour le reste. Puis si jamais par la suite, on voit qu'il y a des équipes qui n'arrachent encore ou qui sont trop fortes un peu, ben il y a la possibilité en série d'ajuster le tout puis mettre une équipe plus forte, plus faible dans l'autre classe pour les séries. OK. Donc, c'est pas mal intéressant, pas mal. Dominique, as-tu autre chose à mentionner? C'est sûr que j'en perds un petit peu des bouts. Il y a tellement de nouvelles, mais qu'est-ce que tu as signalé cette semaine à Saint-Prime? Ben là, cette semaine, s'il y a des parents, des fois, qui sont à l'écoute, là, on a une équipe, justement, junior, qui on a un peu de misère avec eux, parce qu'on a eu des blessés un peu, il y a des jeunes qui se sont décidés. Donc, on essaye de compléter l'équipe pour qu'ils soient corrects pour le reste de l'année. Okay. On est un peu dans une situation qui est difficile un peu à ce niveau-là. Il faut réussir à trouver une équipe pour que les jeunes soient complets à chaque fin de semaine, pour pas qu'ils arrivent dans l'incertitude un peu. Parce que les adultes, les agents libres, c'est facile. Ils vont se faire un groupe Facebook entre eux. Ils vont se dire quand ils vont jouer, c'est plus facile à gérer. Mais quand c'est des jeunes avec les adultes responsables, c'est une autre façon de gérer. OK. Là, je regarde le classement. Je suis sur le site Internet. Ouais. Les Oldtimers, 35. Donc, c'est l'Intersport de Roberval qui est en tête. 2 victoires, 1 défaite. également. Ouais. Robert Val, deuxième. Les Détestables, troisième. Et les Vétérans sont quatrième. Donc, exact. Mais notre Ligue 35e et plus, le classement... c'est sûr que le classement va tout le temps avoir l'air plus serré parce que le système de pointage est différent. Mm. C'est quelque chose qu'on pourrait aborder dans une prochaine chronique. La description du système score un peu, quand on n'est pas habitué, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué, mais qui permet de ramener les équipes un peu plus sur un pied d'égalité, puis avoir une saison qui est un classement qui est serré tout au long de l'année. Là, vous êtes aussi à la recherche de joueurs atomes aussi, je pense, hein, pour compléter une formation. Dans le fond, c'est les groupes d'âge 2004-2005. Oui, c'est ça. Donc, vous êtes actuellement en recherche. Est-ce que depuis avez fait une recherche, il y a eu des inscriptions? J'ai eu quelques jeunes qui se sont montrés intéressés, mais rien de concret comme tel. C'est pour ça qu'on veut essayer justement le samedi matin, là, les joueurs qui sont intéressés. Si, en ayant des réponses, on va leur demander de venir le samedi matin pour qu'ils essayent un peu. Comme ça, au moins, ils peuvent avoir un aperçu de ce que ça ressemble. Ouais. Mais est-ce que c'est quand même... il y a de l'éducation à faire? J'imagine que oui, ça reste un sport nouveau, là. Ouais, ben ça reste un sport nouveau, mais tu sais, il y a certains règlements aussi qui sont complètement différents du hockey sur glace qu'il faut leur apprendre aussi. Tu sais, il y a une punition en particulier, c'est bâton élevé, qui est considéré que c'est pas bâton élevé comme hockey sur glace, dans le sens que c'est pas ça implique pas un contact à l'adversaire. C'est si la balle est dans les environs puis que le joueur lève le bâton pour aller chercher la balle. Ça va être considéré comme une punition parce qu'il faut comprendre que c'est pas tout le monde qui joue avec des full face, des grillages complets. Donc, c'est pour habituer les joueurs à garder leur bâton bas en tout temps un peu. Puis les arbitres, j'imagine que c'est toute une formation à voir aussi, là. Ben, les arbitres, nous, on avait descendu un arbitre d'expérience à Québec pour en former un peu. Okay. Pour la base un peu. Former notre arbitre en chef. Puis là, depuis cette semaine, on a commencé à faire des duos d'arbitre, donc ça pour eux c'est mieux pour eux, c'est plus facile pour eux. Puis pour les joueurs, ben je pense qu'ils apprécient aussi dans le sens que normalement c'est deux arbitres. Donc là on commence à être mieux sur ce côté-là. Puis à la deux arbitres, c'est plus facile d'expliquer aux joueurs, les prendre individuellement un peu. C'est mieux pour tout le monde. On a vu la différence cette semaine. C'était pas mal mieux. Les joueurs s'ajustent puis nos arbitres aussi, c'est des gars qui évoluent dans la ligue. Donc pour eux, ils vont apprendre mieux leur règlement. Tu sais, c'est bon pour tout le monde. Effectivement. Dominique, on s'en parle même pas la semaine prochaine? Oui, parfait. Dominique Godbout du Deck Hockey à Saint-Pierre.